Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Il est temps. Tu as écouté quiconque ce soir et vois les réponses que nous t'exposons. Seigneur, un frère, une sœur a raison que tu viennes. C'est pourquoi descends au milieu de nous. Viens dans ta grâce, viens dans ta grâce, viens dans ta grâce et touche-nous. Viens dans ta grâce, éclaire-nous. Viens dans ta grâce et visite-nous. Que ta grâce se répande dans cette assemblée. Je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ. Je proclame le règne de ta grâce. Je proclame le règne de ta grâce. Que les sources de la grâce s'ouvrent et déversent les grâces qui sont en Jésus-Christ dans cette assemblée, auprès de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous voulons poursuivre sur la pensée d'hier ou la deuxième réponse. Rechercher Dieu en esprit et en vérité. Hier, nous avons beaucoup parlé de cette recherche esprit à esprit. Aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur rechercher Dieu. S'il faut que nous puissions rechercher Dieu en esprit, en vérité, nous avons compris hier que c'est par l'esprit et que tout ce que nous faisons doit se passer avec notre esprit. Jusqu'aux moindres choses, notre adoration, notre louange, les gestes que nous posons doivent être du ressort de l'esprit. Et que les choses que nous faisons dans la chair n'intéressent pas Dieu. Il en a qu'un à faire. Il veut notre esprit, car c'est notre esprit qui connaît nos choses et c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et Dieu veut que la connexion soit faite entre notre esprit et son esprit et que notre relation avec lui soit spirituelle, une relation d'esprit à esprit, une intimité d'esprit à esprit, une connexion d'esprit à esprit. Et quiconque fait cet effort de libérer son esprit pour que son esprit atteigne Dieu, il tire tous les bénéfices. Quiconque rate cette possibilité, il rate la grandeur. Il rate la grandeur. Il rate la vie de grandeur. Ce sont des hommes qui ont atteint cette dimension de fonctionner avec Dieu, avec l'esprit, dont la destinée monte dans les hauteurs. Parce que vous savez, tout ce que nous vivons commence par l'esprit. Je vous ai dit hier, la Bible, les Écritures émanent de l'esprit. Et Jean 6, 63 dit, na Johanna, sita, makumitatu, sita, la tatu, parole elle-même est esprit et vie. Et Job nous dit dans Job 32, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ukweli, ndani ya mutu, ni roho. Le souffle du Tout-Puissant. Pumzi ya aliye na nguvu zote. Et toute chose a été créée. Na, hivi vitu vyote, au commencement. Pamwanzo, la Bible dit l'esprit planait. Nasema, roho alifunika sur l'abîme. Juu ya ikyo kilindi. Pour communiquer la vie de Dieu dedans. Ili apee uzima iki kitu. Et puis Dieu vient et dit que ceci soit, que na cela Mungu soit. Akasema, pawe mwanga, mwanga ukawe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Nikusema, le fondement de toute chose, msingi wa kila kitu, c'est l'esprit. Ni katika roho. C'est l'esprit. Ni katika roho. Et quand tu montes dans la dimension de l'esprit, kiroho, ta destinée est garantie. Na maisha yako inakuwa, c'est dans la dimension de l'esprit ni katika kipimo ya roho, où réside la révélation. Dipo muko ufunuo, les choses que nous faisons sans révélation vitu tunavyofanya pasipo sont vouées ufunuo, à l'échec. Vile vitu vinaharibika. Les vérités que nous amenons dans notre esprit deviennent une conscience, deviennent une force, deviennent un garde-fou, deviennent une énergie en nous, dans l'esprit. Mais les choses que nous faisons dans la chair sont faibles et sont vouées à l'échec. Et ce soir, exerce-toi à chercher Dieu dans la dimension de l'esprit, à prier dans la dimension de l'esprit. Prenez votre Bible. Kamata Biblia yako. Et nous allons dans 2 Chroniques. Tuna katika mambo ya nyakati. Chapitre 20. Sura makumi mbili. Et nous lisons du 1er au 4e verset. Tutasoma ya kwanza mpaka ya 4. Il est écrit. Imeandikwa hivi. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec ceux de Moab, des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hassasson Tamar, qui est En Gedi. Dans sa frayeur, dites dans sa frayeur, c'est ma katika woga wake. Dis bien dans sa frayeur. Katika woga wake. Dans sa frayeur. Katika woga wake. Josaphat se disposa. Josaphat akajitengeneza. À rechercher l'Éternel. Kumtafuta Mungu. Et il publia un jeûne na pour tout Juda. Akatangaza mafungo kwa Yuda mzima. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Yuda wakakusanyika ili kumwabudu Mungu. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Wakatoka mahali pote kutafuta. Josaphat Mungu se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis, et il dit, Éternel, wa milele, Dieu de nos pères, Mungu wa baba zetu, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? We, hauko Mungu katika mbingu? Et n'est-ce pas toi qui domines haiko sur tous les royaumes de nations zote, n'est-ce pas zote toi qui as haiko en main wewe la force et yako la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque chose, calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Amen. Vous savez, mes frères, aujourd'hui, Dans notre monde chrétien, dunia yetu ya Kikristo leo, les gens vivent comme un christianisme vide. Tunaishi ukristo kama ambamo hamuna kitu. Les gens sont chrétiens mais comme un trou d'air. Watu ni wa Kristo lakini ni kama le christianisme est comme quelque chose qui n'a pas de vie. Ni kama kitu ambacho hakina maisha, ni kama kabumbu haina pumuzi. Tout simplement parce que kwa sababu tu, le christianisme que nous vivons, c'est un christianisme, on pourrait dire, humain. Ukristo wetu umekuwa wa kinadamu, wa kimwili. Un christianisme mécanique. Ukristo wetu umekuwa kama vile wa kukaza. Un christianisme dans lequel ndani ya ukristo wetu la spiritualité kiroho est devenue rare. Inakuwa kidogo. C'est ce qui rend na hii ndio inafanya l'ennemi Satan shetani favori afurahi dans nos milieux chrétiens, kwa maisha fasi yetu ya wakristo, dans nos familles chrétiennes, ndani ya majamaa zetu. Quand le diable vient shetani akikuya mu manyumba yetu, il est le bienvenu. Anajisikia hapa hakuna shida, parce qu'il ne rencontre pas l'esprit. Hakutane roho yenyenge pingana naye, sababu naye rencontre pas l'esprit. Hakutane roho kama yeye roho. Il rencontre un christianisme humain. Anakutana kikristo ya kinadamu. Rien ne lui fait peur. Hakuna kinacho mtisha. Rien ne l'intimide. Hakuna anayemtisha. Le véritable christianisme, Christo wa kweli, c'est celui que nous allons vivre dans l'esprit. Ni ile tutakayoishi ndani ya roho. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Durant ce programme, katika mpango huu, essaye faire un effort. Pima kujikaza. De passer ces deux semaines dans l'esprit. Upitishe hizi juma mbili katika roho. Essaye de libérer ton esprit. Pima kuacha roho yako. Essaye d'activer ton esprit. Pima kuamsha roho yako. Tu vas voir la différence. Utaona utofauti wa maisha. Entre ce que tu as eu à vivre. Yale uliishi. Et ce que tu seras en train de vivre. Na yale unataka aenda ishi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a toujours été conscient de cette réalité. Mungu anajua ukweli huu. Dans Luc chapitre 24 verset 45. Après sa résurrection, nyuma ya Yesu kufufuka, Jésus revint pour voir les disciples, les apôtres. Yesu akakuja kuona wa mitume. Et quand il les retrouva, alipowakutana, ils étaient dans différentes choses, katika kazi mbalimbali. Alors qu'il leur a laissé des instructions claires. Ijapokuwa aliwaachia maagizo wazi. Mais ils étaient comme en train de tâtonner avec la vie. Kama wanapapasa papasa maisha. Et Jésus revient pour le rencontrer. Et dans ce verset, il est écrit. Na katika mshairi umesemeka. Et il leur ouvrit l'esprit. Akawafungua roho. Afin qu'ils comprennent les ili écritures. Waelewe maandiko. Les apôtres. Wa mitume. 3 ans et demi d'enseignement. Wameka miaka tatu na nusu ya mafundisho ya Kristo. Qu'est-ce qui vous est arrivé, nini cher imewafikia? Pierre. Petro, cher Matthieu, Matayo, Yohana, vous ne comprenez pas. Hamuelewe maandiko. Seigneur, eh Bwana, qu'est-ce qui se passe? Ninini imetupata? Vous rappelez même les disciples de Maus. Munakumbuka hata hao wanafunzi wa qui Maus, marchent avec Jésus après la résurrection. Wanatembea na Yesu Kristo nyuma ya kufufuka. Et puis ne comprennent pas ce qui se passe. Na hawamjue na hawamuelewe. Ils sont en train de raconter à Jésus l'histoire de Jésus. Wanaanza kuelezea Yesu habari za Yesu. Leur esprit Rozao a des difficultés pour capter les ondes du ciel, pour capter les réalités qui se passent. Jésus les écoute. Yesu, ils sont en train de lui dire, wakimuambia, Messieurs, Bwana, tu es le seul we à Jérusalem Yerusalema, qui ne sait pas ce qui se passe. Il parle à qui? À Jésus. Il parle à qui? Bana ongea na nani? Bana ongea na Yesu ye peke. Tu ignores unasahau que Jésus Yesu de Nazareth, wa Nazareth. Je crois Jésus devait beaucoup rigoler dans son cœur. Ndani ya roho yake alikuwa anacheka sema, oh banadamu, Ils ne savent pas que c'est moi-même. Je leur ai dit que je vais ressusciter. Mais il lui raconte l'histoire. Il dit, c'est cet homme qui allait de lieu à lieu et faisait le bien, guérissait tous ceux qui étaient sous la main du diable. Il raconte à Jésus ce qu'il est. Et puis Jésus prend la parole. La Bible dit, il commence à leur expliquer les choses. Et quand ils arrivent à la maison, walipofika nyumbani, et Jésus veut continuer sa route. Yesu akataka kuendelea na safari. Regardez, sikia sasa. Lorsque vous rencontrez la grâce, wakati unakutana neema, lorsque la grâce vient jusqu'à vous, wakati neema inafika mpaka kwenye uko, la grâce active votre esprit. Neema inafungua akili yako, inafungua roho yako. Regardez ce qu'ils disent après. Jésus a pris le pain. Yesu, il a rompu. Et leurs yeux se sont ouverts. Macho yao ya ndani kafunguka. J'annonce à quelqu'un na kutangazia que lorsque la grâce va venir dans ta vie, neema imefika maisha yako, tes yeux vont s'ouvrir. Macho yako itafunguka. Tu vas commencer à voir. Utaelewa. Je bénis Dieu pour les témoignages de Yolande. Mina shukuru juu ya Yolande. Elle a été saisie. Kwa, elle a commencé à voir les réalités spirituelles. Que Dieu te l'accorde à partir d'aujourd'hui. Leo, par sa grâce, kwa neema yake, lorsque tu contactes la grâce, na neema, ton esprit s'ouvre. Roho yako inafunguka. La Bible dit, Biblia nasema, les disciples de Maus dit, wanafunzi wa Maus wakasema, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il parlait en route ou barabara. Nos cœurs brûlaient. Autrement, leur esprit était comme gratté. Ils avaient l'impression que quelque chose est en train de se passer. Kitu, mais comme l'obscurité était encore dedans, ils ne percevaient pas ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que Jésus rompt le pain. Il se rappelle les jours de sa mort où il a rompu le pain. Et il se dit, c'est lui. Heureusement pour lui ou malheureusement, Jésus s'est volatilisé après avoir rompu le pain. Et quand il quitte là-bas, alipotoka mwa hiyo nyumba, il va auprès des apôtres, akaenda kwa mitume, il retrouve, akawakutana. La Bible dit au verset 45, il sentit que ces hommes ne comprennent rien. Alielewa hawa watu hawaelewi. Il sentit que l'esprit de ces hommes est alielewa vraiment bourré. Roho hawa watu inafungwa. Et il leur ouvrit l'esprit. Na akafungua roho zao. Afin qu'ils comprennent les écritures. Que Dieu ouvre ton Ata esprit ce soir. Yako, afin uelewe. Que tu comprennes les écritures. Maandiko que Dieu ouvre ton esprit Mungu ce soir. Yako, que Dieu ouvre ton esprit Mungu ce soir. Yako, je dis que Dieu ouvre Mungu ton esprit ce soir. Yako, ya et que tu commences à percevoir Anza kuona les réalités spirituelles. Que ton esprit commence à écouter l'évangile. Anze, que la parole de Dieu. Qui est prêché, qu'elle tombe dans ton esprit, qu'elle ne tombe plus dans ta chair. Quand les témoignages passent, que tu les écoutes avec ton esprit et que tu perçoives ce que Dieu a fait pour quelqu'un et que ton esprit perçoive ce que la grâce veut accomplir avec toi, que la grâce veut faire des choses avec toi, mais que ton esprit t'aide à y arriver. Alléluia. Amen. Donc notre esprit doit s'ouvrir afin que nous comprenions les Écritures. Maintenant, il y a une chose importante auquel on essaie de partager ce soir. Rechercher l'Éternel. Kutafuta Mungu wa ndugu zangu. Ce roi, Josaphat, uyu mfalme Josaphat, est entouré des armées. Amezungukwa na majeshi ya maadui. On la lui informe. Wanamupa habari. Il est dans la panique. Amekuwa mwenye kuogopa. Mais il connaît quelque chose. Lakini iko na siri yake ndani ya roho. Il connaît le secret. Anajua siri. Il connaît le secret. Iko na siri. Il se souvient. Anakumbuka. Qu'à la maison de l'Éternel. Katika nyumba ya Mungu. Il est prévu. Imesemeka. Lorsque le roi Salomon wakati mufalme Salomon a dédié le temple, alitolea nyumba ya il Mungu, avait dit Mungu à Dieu, akambia Mungu hivi, quand le peuple de Dieu wakati watu aura Mungu, des problèmes, watapata magumu, s'il vient en ces lieux dans ce temps, pour t'invoquer, tu répondras. Mungu utawajibu. Salomon était allé même loin pour dire. Salomon alienda hata mbali même akisema, quand on sera à l'étranger. Hata tukikuwa wageni kuinchi ya kigeni. Si l'on t'invoque. Tukikuita. En tournant le regard tukiangalia vers Jérusalem. Vers ce temps. Kwenye Yerusalema inapatikana. Que la prière soit écoutée. Maombi isikike. Que la solution atteigne cette jibu personne. Jibu ifikie ule mutu mwenye naangalia Yerusalema. Josaphat se souvient. Na Josaphat akakumbuka. Et la Bible dit, na Bible nasema, il se disposa akajitengeneza à rechercher le kutafuta Mungu. Je disais aujourd'hui, nilisema leo, notre monde dunia yetu est triste. Ni ya huzuni, ni ya kilio, parce que plusieurs d'entre vous, sababu wengi wetu hapa, malgré qu'ils font face à des problèmes, hata kama wana magumu, ils se disposent pas hawatafute Mungu, à rechercher l'Éternel. Hawatafutake Mungu mu magumu yabo, na ndio maana magumu inaendelea. Ils se disposent pas. Hawatafute Mungu. Hawajitengeneze kutafuta Mungu. Josaphat se dispose. Josaphat akajitengeneza, akajipanga sawa sawa. Il se dispose. Akajipanga sawa sawa. À rechercher l'Éternel. Kumutafuta Mungu. De tout son cœur. Kwa roho yake yote. Et de tout son âme. Kwa nafsi yake yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église. Wengi wanaingia katika kanisa. On peut avoir l'impression. Tunaweza kufikiri. Que beaucoup sont venus chercher l'Éternel. Ya kwamba wamekuja kutafuta Mungu. Regardez l'histoire de Naaman. Ona habari ya la Naaman. La petite fille dit à la maîtresse. Kale ka mtoto kakazi. Si le maître va chez nous. Bwana wake kama huyu mfalme wangu rencontre l'homme de Dieu. Akikutana mtumishi wa Mungu. Sa lèpre va guérir. Hii ukoma wake utapona. Madame dit à son mari le général. Mama akambia bwana yake général. Si tu vas chez cette petite fille. Ukaenda kwa huyu mtoto wa kazi. L'homme de Dieu est là-bas. Mtumishi wa Mungu yuko kule. Tu vas guérir. Utapona. Il parle à son roi. Akaambia le roi fait les lettres. Bakamupa barua. Et Naaman est envoyé. Naaman akaenda. En Israël. Israël. Pour rencontrer Élie. Akutane mtumishi Elisha mtumishi wa Mungu. Et il va avec sa délégation et ses chars. Akaenda na majeshi na magari yake na wote wanamsikiliza. Il arrive. Akafika. Pendant que l'homme de Dieu perçoit dans l'esprit. Wakati mtu wa Mungu aliona katika roho. Il y a un monsieur qui vient là. Kuna mgeni anakuja na ukoma. Anaweza kupona. Il envoie son serviteur. Akatuma mtumishi wake. Pour lui faire dire. Bamwambie. Va te jeter sept fois dans le Jourdain. Unawe mara saba ndani ya Yordani utapona. Naaman est venu chercher une solution. Naaman alikuja kutafuta jibu. Mais avec des calculs. Lakini alikuja na hesabu kwenye kichwa. Beaucoup de chrétiens sont des calculateurs. Wengi ni watu wa mahesabu. Même quand nous venons au grâce des sondages, hata tunapokuja kwa neema, certainement tu es venu comme calculateur. Wengi wamekuja na mahesabu kwa kichwa. Naaman va. Naaman akaenda. Et quand on lui fait dire cela, walipomwambia hiyo habari, il répond. Akajibia. Y a-t-il pas de belles rivières chez nous? Kwetu kwenye tunatoka hakuna mito ya kunawa. Palpare et les autres. Je pensais que nilifikiri cet homme-là dont vous dites homme de Dieu, il sortirait, atatoka, il viendrait, atakuya, il toucherait les endroits où il y a la lèpre, mahali ambapo ukoma et je serais guéri. Na nitapona. Tu cherches des solutions, unatafuta jibu, mais avec tes calculs. Na hesabu zako mkichwa. Tu ne laisses pas ton esprit hawache roho yako chercher Dieu. Iongozwe tu na ne Mungu. Laisses pas ton esprit hawache roho yako chercher l'autre esprit. Itafute ikutane na roho ton mille. Esprit roho yako. Rencontrer l'esprit de Dieu ikutane roho ya Mungu. Que j'ai appelé le grand esprit. Ambao niliita roho kubwa. Ton esprit est un petit esprit. Roho yako ni roho kidogo. Lorsqu'il contacte le grand esprit ikutana na roho kubwa. La provision qui est dans le grand esprit utajiri ulimo katika roho kubwa. Communiquer inakupatiwa dans le petit esprit kwa wewe roho ndogo et les grâces débordent na neema zinamwagika les grâces coulent na neema inamwagika. Voici que Naaman heureusement était avec des hommes sages. Izuri alikuwa anatembea na watu wa hekima ambao wakamupa mashauri na kumwambia Naaman, si cet homme te demandait de faire des choses difficiles wa Mungu angekuomba ufanye vitu vigumu na n'allais-tu pas le faire? Je haungevifanya Je crois qu'il a soufflé profondément. Nafikiri ali tafakari akaelewa vitu katika roho. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Nikusema il est monté au-dessus. Akapanda ngazi. Il a quitté le niveau alitoka kiwango ya kuelewa vitu kimwili kutafsiri vitu kimwili pour activer son esprit. Akawasha motere ya roho yake. Afin que son esprit perçoive. Ili roho yake iweze kuelewa ile vitu, itafsiri hivyo vitu. Les instructions de l'homme. Hizi habari ambazo mupya zimekuja. Il a réfléchi pour dire. Nafikiri alifikiria akasema. En fait, on appelle cet homme là homme de Dieu. Ndio anaitwa mtu wa Mungu. Donc il travaille avec Dieu. Ni kusema anatumika na Mungu. Okay. Le Jourdain ou allons-y. Bon, il est mutoni irulani ko wapi twende pa. Et puis ils sont partis au Jourdain. Wakaenda pale. Il s'est plongé une fois. Aliji tupa ndani mara ya kwanza. 5 fois. Mara ya 5. 6 fois. Mara ya 6. Et la 7e fois. Na mara ya 7, il sort. Alitoka. La Bible dit. Biblia nasema. Sa peau est redevenue comme la peau d'un jeune homme. Kama ngozi ya mtoto mdogo. Qu'est-ce qui sauve Naaman? Mimi namuokoa Naamani. Il a quitté la dimension humaine. Alitoka kiwango ya kimwili pour réfléchir au niveau de son esprit. Akaanza kufikiria kiwango ya roho. Dit à ton voisin. Ambia mwenzako. Quitte la dimension toka humaine. Toka kiwango ya kimwili. Réfléchis au niveau de ton esprit. Fika mkiwango ya roho. Alors les miracles va ndipo tomber. Ndipo muujiza wako utakutana nao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles proviennent de l'esprit. Miujiza inatoka kwa roho. Les miracles passent par l'esprit. Miujiza itapita kwa roho. Les miracles ne sont pas mécaniques. Miujiza les interventions surnaturelles de Dieu. Vitu vya kiroho. Ne sont pas des montages. Haiko vitu vya kuunda. C'est des choses qui proviennent de Dieu. Ni vitu vinatoka kwa Mungu mwenyewe. C'est des choses que l'esprit de Dieu distille. Ni Roho Mtakatifu anavipana. Et il faut être en esprit na inaomba uwe katika roho pour contacter ces choses ili upokee hivi vitu vinavyotoka kwa roho. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens kuna watu aujourd'hui leo hii qui sont torturés par les démons chaque jour. Wanasumbuliwa na pepo siku zote. Mais quand ils se réveillent le matin wakiamka asubuhi ils se disent wanajiambia ah sikulala leo eh. Aujourd'hui j'ai pas dormi. Ah dunia hii eh. Ce monde ici est méchant. Bon. Et puis c'est là. Et puis il va au boulot. Na anaenda kukazi. Il revient le soir. Anarudia mangaribi. Les démons le torturent encore. Tena pepo wanamsumbua. Et ça fait une vie. Na inakuwa maisha ya kusumbuliwa. Au point qu'il est déjà habitué à ça. Na mtu amezoea maisha kama ile. Les gens sont habitués à ces maris de nuit. Na mwingine anazoea mabwana ya usiku. Et quand ça vient, ikikuya. Il se dit ah, tena ndio kile kitakuwa. C'est encore arrivé. Tena ishafika. Mais quand il se réveille, akiamuka. La vie continue. Maisha naendelea tu vile vile. Quel est ton problème? Shida yako ni nini? Ton esprit. Roho yako. N'arrive pas à comprendre quel est ton problème. Haielewe shida nyoko nayo. Il se disposa. Uyu akajitengeneza. Qu'est-ce que ça veut dire ni que se disposer? Nikutaka kusema nini hii kujitengeneza? Je vais vous partager trois facteurs. Acha niongelee hatua tatu. Par lesquels vous pouvez vous disposer à chercher Dieu. Ou qui vont vous aider à vous disposer à chercher Dieu. Le premier facteur, c'est de regarder le problème en face. Il ne faut pas jouer à l'Autriche. Si il y a des problèmes, et tu fermes les yeux, pour ne pas voir ton problème. Il sent que l'Autriche, quand il voit la difficulté, le danger arriver, il plonge la tête dans la poussière. En fait, il cache ses yeux. Et tout son corps est dehors. Et on vient le ramasser avec la main. Les chrétiens aujourd'hui, nous vivons des problèmes que nous ne regardons pas en face. J'aimerais te dire, frère, soeur, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu traînes dans ton problème? Crois-tu que le problème c'est Dieu? Beaucoup ont développé même les sentiments que Dieu ne les aime pas. C'est vrai. Quel est ton problème? Shida ni nini? Tu ne regardes jamais ton problème en face. Parce que lorsque nous regardons notre problème en face, alors nous nous disposons à chercher la solution. Aussi longtemps que tu ne regardes pas ton problème en face, mbele, tu ne sauras pas te disposer à chercher les solutions. Utafuta majibu. Les uns sont dans la corruption. Wengi wanakuwa katika ile hali. Et quand ils viennent prendre la corruption, wakati Mungu anawakemea katika ile hali ya, ils regrettent après, ils demandent pardon. Anaweza kusikia uzuni na naomba msamaha. Superficiellement. Kwa juju. Et puis demain ça vient encore. Na kesho tena mtu anaendelea. Tena anaendelea. Le mois prochain ça vient encore. Tena anaendelea. Il prend. Habadiriki. Et puis dit, ah Seigneur. Kisha mtu anasema, oh, qui m'enlèvera de cette situation? Nani atanitosha mwa hii shida? Et si on dit tu vas avoir la mutation. Baki kuambia utapata nyumba. Il dit, non. Ça c'est un poste juteux. Hapa kuko faida. Tu n'as pas regardé ton problème en Hauja face. Hauja wai kuona hiyo shida kwa mbele. Dis à ton voisin. Ambia jirani. Regarde ton problème en Angalia face. Shida yako mbele. Dis-lui que ça commence par là. Inaanzia njo pale. Hapana kuikimbia. Ne faisons jamais semblant devant nos problèmes. Tusiwe kama hatuna shida na tunashida. Nous avons des problèmes. Tunazo shida. Et c'est sérieux. Na ni ukweli. Mais il faut les regarder. Inabidi uiangalie. Il faut pas vivre comme un drogué. Usiwe kama mtu ambaye amevuta bangi. Beaucoup de gens sont comme des drogués. Watu wengi ni kama devant leur problème. Wameenda lewa, haangaike tena na probleme yake. C'est comme si ils ont pris de l'opium. Ni kama vile mtu amevuta bangi. C'est-à-dire que malgré le problème, Atakame komushida, il navigue. Bon. Tu as des problèmes, frère? Oui, j'ai des shida, problèmes. Bon, Mungu anajua. Mungu anajua. Et après, Josaphat, Yosafati, se disposa akajitengeneza à chercher l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fit? Shida. Il devait regarder son problème en face. Angalie, quel est son problème? Bele, shida yake ni gani? Les Moabites. Ba Moab wamewazunguka. Les Maonites. Wa Maonite wamewazunguka. Ils sont autour. Vita imewazunguka. C'est des multitudes. Ni jeshi kubwa. Nous sommes foutus. Tunaishia hapa nous kama. Sommes fauchés. Kama hakuna usaidizi. C'est grave. Ni hatari. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est grave? Tutafanya nini wakati vitu vinaharibika hivi? Je peux te poser la question. Nikuulize. Qu'est-ce qu'on fait quand vitu c'est grave? Vitu kama vinaharibika, mtu anafanya kaje, mu Kristo. Qu'est-ce qu'on fait quand la maison brûle? Wakati nyumba inalungula utafanya je? Tu attends la fumée dans la maison dans la chambre? Moshi ingie mu nyumba inalungula. Na ungali unalala. Et tu commences à pleurer. Unaanza lalamikia pale Mungu niokoe hapa. Nyumba inalungula eh. Yo Mungu eh. Nyumba inalungula eh. Sur ton lit, uko kukitana joko nalalamika na nyumba iko nalungula. Il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants depuis longtemps. Kuna watu ambao hawajapata uzao tangia siku nyingi. On les appelle les mères des nations. Wanawaita wazazi wa mataifa. Afin maintenant, ce sont celles qui ont compris. Ni wale ambao wameelewa. Mais les autres, wengine, sont tout simplement là. Wako tu pale. Eh. Imaka ya tano njo ini na enea. Bas. Omwatanyie munazalaka. Mungu baba. Mwaka ya pili tena, hii njo mwaka ya sita. Ça c'est ma sixième année. Si azala tu. J'ai pas toujours concis. Quel est ton problème? Shida ni nini? Ata kureveyo ya mwaka jana balisema tutazala. Tena njo hii mwaki naishi. Même à la veillée de l'année passée. En on... fait, tu es comme drogué. Ni kama vile umevuta. Tu ne regardes point ton problème au sérieux. Shida yako kwa ukweli. Tu regardes pas au sérieux. Kwa undani. Quand on convoque des rencontres de prière ici pour les mères des nations, tu ne viens pas. Hapa, mara nyingi haukuje. Tu es comme drogué dans ton problème. Ni kama vile umezuba katika shida. Ton problème ne te dit plus rien. Haikuogopesha, haikusumbue tena. Et puis le temps passe. Na siku zinaendelea. Et les jours passent. Na miaka inaendelea. Et les années passent. Na miaka inaendelea. Tu n'as pas pris conscience. Haujakamata dhamiri ya kusema haa vitu vibadilike. Et dimanche soir, jioni ya siku ya Mungu ilipita. Une maman m'a appelé. Mama moja aliniita. Elle vient d'accoucher. Amemaliza kuzaa. Des jumeaux. Watoto wake wawili. Mère des nations. Mama wa mataifa. On peut acclamer le Seigneur. Tushangilie Bwana. Bwana sifiwe. Inema ingali natembea. Bwana sifiwe. Upe bien acclamer le Seigneur. Shangilia vizuri, hii ni neema inakuja. Hallelujah. Hii ni neema tuikaribishe. Hallelujah. Furahia hiyo neema ya kuzaa ya ule mama. Le couple viendra nous donner le témoignage. Le couple viendra nous donner le témoignage. Wataleta hata ushuhuda wao. En fait, c'est une femme ni mama qui était encore fiancée. Alikuwa ngali, mais celle qui devait mchumba être sa marraine. Yule ambaye alipaswa kumsimamia kumzala kwa. A parla avec elle. Alipoongea naye. A compris que dans leur famille on met pas au monde. Akaelewa gizi mjamaa wao hawazalaki. Et l'a encouragé. Akamupa moyo. Lorsque nous avons eu des programmes de prière derrière. Tulipokuwa na mipango ya maombi hapa nyuma juu ya wale wamama. Après trois jours de prière. Nyuma ya siku tatu avec ses fiels. Elle a dit nous irons à la prière. La fille dit moi je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore cette promesse. Elle lui dit attention. Aucun à votre famille là. On ne met pas au monde. La Bible dit dans Psaume 32 verset 5 que si tout fidèle te prie au temps convenable, quand les grandes eaux débordent, elles l'atteindront nullement. Et puis au mois de mars, nous avons eu une veillée ici. D'abord on avait un problème. Et puis une prophétie est sortie. Et nous avons dit que les gens étaient en train de prendre leur bébé ici à la chair. Et la marraine était à côté de sa fille qui allait se marier dans un monde. Elle lui dit, vas-y prendre tes bébés. La fille bouda. Elle poussa la fille. Elle lui dit, si toi tu ne veux pas aller, vas-y alors pour moi. Prends même deux pour moi. Finalement, la fille prend courage. Et elle est venue aussi. Elle a pris des bébés qui étaient ici. Ce sont des perceptions spirituelles. Vous comprenez? Et puis elle s'est mariée le mois suivant. Elle est dimanche ici. Papa. Ameita. Jumelle. Nimezaa watoto yangu mbili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tunajua, lorsqu'on ne prend pas conscience wakati hatue, de notre problème, ya shida zetu, nous allons hésiter. Tutakuwa na kusita. On va tourner en rond. Tutazunguka, on va nous dire, on va gêner. Batatuambia tufunge. Pendant deux semaines, juma mbili, tu vas dire pourquoi gêner. Utasema nifunge juu ya nini. Parce que tu ne comprends pas que ton problème est grave. Hauelewe shida yako ni gani. Pose ta question, la question au voisin. Est-ce que tu comprends ton problème? Umulizira unaelewa shida yako kwenye iko. Peut-être demande lui, ulikuwa fanya nini? Na ulikuwa tafuta nini? Ulikuwa fanya nini? Tu es venu faire ici? Ulikuwa sikia kwa manyimbo au kunini? Tu es venu faire quoi? Ulikuwa fanya nini? Je vous ai dit, niliwaambia, d'écrire vos requêtes, tuandike ma, même pour l'année prochaine, tuandike hata mahitaji et de les déposer ici. Na tuyalete hapa. Nous les attendons encore. Tuko tunaingoja. Donc, nikusema, c'est disposer à chercher Dieu. Kujitengeneza ya kwanza consiste inahusu à prendre conscience kuwa na zamiri de notre situation ya hali yetu, afin de le regarder à face. Ili tuiangalie mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ya pili, c'est disposer consiste kujitengeneza inakuwa à prendre conscience de Dieu, kuwa na zamiri ya Mungu, et ce qu'il est capable de faire pour na nous comme yale Mungu anayoweza kutufanyizia. Il s'est disposé à chercher akajitengeneza kutafuta Mungu. Il s'est disposé à se rendre compte qu'il a un problème. Akajitengeneza kujua deuxièmement, nina shida ya pili, il s'est disposé à se rendre compte akajitengeneza kujua quelle est la solution. Jibu ni qui nini? Peut me sortir nani de là? Qui peut me sauver? Nani ataniokoa? Et quand nous nous disposons tukijitengeneza à prendre conscience de kuwa Dieu na zamiri ya Mungu, nous faisons trois choses. Tunafanyaka vitu tatu. Nous prenons conscience tunakamata zamiri de sa puissance ya nguvu ya Mungu. Il est le tout puissant. Yeye ni Mungu wa nguvu zote. La Bible dit dans Colossiens, inasema katika Wakolosai 1:16, tout a été créé par lui et pour lui. Umbwa na yeye na kwa ajili yake. Et dans Romains 11:16, na Waroma 11:16, 26 plus 36, il est écrit, imesemeka, qu'il est la source de tout. Donc je prends conscience de qui peut me sortir de là. Et je prends conscience sérieusement. Je prends conscience qu'il est puissant. Deuxièmement, je prends conscience qu'il m'appelle son fils ou sa fille. Troisièmement, je prends conscience qu'il a des projets agréables pour Mungu moi. Ana mipango mizuri juu ya maisha yangu. Quatrièmement, je prends conscience de sa nature. Ya ine, ninaelewa. C'est un Dieu omniscient. Hali yake. Yeye ni Mungu. C'est un Dieu d'amour. Uweza wote, mwenye upendo. C'est un Dieu bon. Mzuri. C'est un Dieu sensible. Ni Mungu anaguswa kwa vous savez, il est difficile d'aller chercher une solution. Hauwezi enda kutafuta msaada. Auprès de Dieu que l'on connaît est kwa sensible. Kwa mtu ambaye unajua hakwake bien. Mais quand je me dispose à chercher Dieu, je me dispose à comprendre que c'est un Dieu sensible, que c'est un Dieu qui écoute, que c'est un Dieu qui ne rejette pas celui qui s'approche de lui. Je me dispose. Je prends conscience de cela. Amen. Et troisièmement, se disposer veut dire que je prends conscience de ma relation avec ce Dieu qui est solution. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux connaître que quelqu'un a la solution. Mais il y a une grande rivière. Il y a un grand fossé entre toi qui as le problème et celui qui a la solution. Bwana sifiwe. Amen. Il y a une grande distance. C'est pourquoi il faut prendre conscience de la relation que tu as avec celui qui détient le problème, la solution. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? J'ai pris conscience de mon problème. J'ai pris conscience de la solution. Et j'ouvre mon esprit pour vérifier est-ce que j'ai une relation avec celui qui détient la solution. Bwana sifiwe. Amen. C'est la raison pour laquelle Josaphat convoque le peuple au temple. Il se dit: le Dieu d'Israël, Mungu wa Israël, le Dieu d'Abraham, Mungu Abraham, nous sommes en relation avec lui. Tuko na uhusiano na yeye. Nous sommes en alliance avec lui. Tuko na mapatano na yeye. Il n'y a pas de difficulté entre hatuna nous. Magumu kati yetu na Mungu. Il y a deux possibilités quand on prend conscience de notre relation. Kuna nafasi nous mbili, pouvons nous rendre compte que nous avons une bonne Mungu. Relation avec tunaweza lui. Elewa, tuna urafiki et na là Mungu. Nous jouissons de na cette, pale, de cette grâce et nous entrons neema. Pour chercher les solutions avec assurance. Mais nous pouvons nous rendre compte aussi que nous ne sommes pas en bonne relation avec lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous repentir afin de jeter un pont entre nous et la solution. Alors Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lui et son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ces trois choses. Ce soir, quelqu'un doit se disposer à chercher l'Éternel en esprit. C'est-à-dire prendre conscience au niveau de ton esprit de ton problème. Prendre conscience au niveau de ton esprit de la solution. Prendre conscience au niveau de ton esprit de ta relation avec celui qui a la solution. Un jour, Dieu envoya le prophète Esaïe pour rencontrer Ézéchias et lui dit: tu vas mourir. Ézéchias, comprenant que la mort est réelle, et quand Dieu dit ça, c'est ce qui va se faire. La Bible dit: il se tourna derrière les murs et il invoqua l'Éternel. Je crois qu'il a compris qu'il a un problème. Il a compris que Dieu est la solution. Le même Dieu qui lui envoie les messages de la mort, il est aussi le Dieu qui peut arrêter cette sentence. Et il se tourne vers ce Dieu et il rappelle à Dieu. Il dit: Dieu, souviens-toi que j'ai une bonne relation avec toi. Il lui dit: Dieu, akasema Mungu, souviens-toi, kumbuka, que j'ai marché dans ta crainte. Nilitembea nikikuogopa. Il dit: Dieu, Mungu, souviens-toi, kumbuka, que j'ai enlevé les idoles, nimetosha masanamu, et les hauts lieux dans le pays. Ndani ya inchi, j'ai fait démolir les hôtels des idoles. Et il rappelle à Dieu akakumbusha Mungu, sa bonne relation avec vitu Dieu ambavyo vilimuunganisha na Mungu. Pendant que le prophète était en train de wakati sortir, la Bible dit: avant qu'il ne sorte de l'enclos, Dieu revient sur son Mungu serviteur nabi, et il dit à son serviteur: rentre dans la chambre ya nyumba ya et dis-lui qu'il ne meurt plus maintenant. Je lui ajoute 15 ans. Écoutez-moi, frères et sœurs, la prise de conscience, kuwa na zamiri, de nous disposer ya à chercher Dieu, kutafuta Mungu, peut opérer immédiatement, peut opérer hivi dans le temps. Tenda tout dépend de toi. Yote dit à ton voisin, frère, we dada, tout dépend de toi. Yote na wewe. Il suffit que tu te disposes à rechercher l'Éternel avec ton esprit et les solutions vont tomber. Majibu, tu seras étonné. J'imagine Ezekias qui, dans les minutes qui suivent, ou dans un laps de 10-15 minutes, kwa madakika kidogo tu, il reçoit le message de la mort. Anapokea ujumbe wa kufa ya il mutu, reçoit en même temps, dans les minutes qui suivent, tena pale pale le message de la vie. Ya uzima ya ule ule je t'annonce que le message de la mort que tu avais déjà reçu, kifa ulipokea, que tu ne vas pas franchir le 31 ya décembre, kwamba utamaliza hii mwaka, Dieu t'annonce Mungu anakutangazia que tu vivras, utaishi, tu ne mourras pas hautakufa, au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Christo, à cause de ta prise de conscience, qui est une réponse, qui est ta réponse avec Dieu. Je t'annonce que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Je t'annonce que les décisions qui étaient déjà prises par les féticheurs de ta famille, les sorciers de ta famille tombent caduques à la mesure où tu rappelles à Dieu ta bonne relation avec lui. À la mesure que tu dis à Dieu que c'est lui la solution, à la mesure que tu regardes en face ton problème et que tu dis: Dieu, je suis en face du problème, mais c'est toi seul, toi seul qui peux me sortir d'ici. Je ne veux pas avant la fin de cette année ou traverser le 31 décembre sans la conception, même les jours où il n'y a pas d'ovulation, Dieu est capable de provoquer la conception avant la fin de ce mois. Tu vas concevoir et cela sera une réalité. Tu vas le vivre et tu viendras témoigner l'année prochaine avec tes bébés. Que Dieu te donne les jumeaux, que Dieu te donne tes jumelles et que tu vives devant Dieu, parce que le Dieu des cieux est venu nous rencontrer pour nous offrir sa grâce. Reçois la grâce de Dieu et vis avec. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce et tiens l'Éternel, tiens l'Éternel au mot, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Lève-toi et commence à parler à Dieu. Lève-toi, commence à parler à Dieu. Il se disposa, commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il est ton Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Depuis l'éternité, il est Dieu. Il n'a jamais échoué. Aucun jour Dieu a échoué. Même quand il a fait semblant d'échouer, il était en train de lancer une stratégie. Il était en train de lancer une école afin de donner des leçons. Dans la suite, le Dieu vivant est ce soir en ces lieux. Il est venu parce que tu es en communion avec lui. Il est venu parce que tu es en alliance avec lui. Il est venu parce que tu le cherches en esprit et en vérité. Prie le Seigneur. C'était l'émission Je suis en alliance avec mon Dieu du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Nous espérons que ce message vous a vraiment édifié pour l'amélioration de votre vie chrétienne. Nous sommes sur le 19 de l'avenue Mutongo, quartier Mabanga, entrée office de route en face de la radio Sauti Angel. Notre joie est débordante de vous convier à participer avec nous au culte de dimanche, de 7h30 à 9h30 au premier culte, de 9h40 à 11h40 au deuxième culte et de 11h50 à 13h50 au troisième culte qui est bilingue. Pour plus d'infos, appelez le +243 994 444 032 et visitez notre site web au www.arche-vie.org. À la prochaine sur la même fréquence, à la même heure. Que Dieu vous bénisse.